Lentement, mon corps prisonnier d'une cage de chair qui semble d'acier. Lentement, doucement, et je me sens enfermé, et je me sens projeté. Les miennes me conduisent à ma perdition.